seul à se furer, le seul à se jurer. Les faux gars sont de courte durée. Full option. Enterré vivant, je vis comme mort entre quatre planches. Trop de mal à être droit, rail de blanche. Apparaît, disparaît comme la dame blanche. Ton rap ne fait pas de bruit, je l'appelle marche blanche. Tout dépend de la com et de ce que j'ai vu. Je dis ce qu'ils veulent entendre, tout dépend de ce que j'ai vu. Aussi sérieux qu'un sevrage, comme tu le vois. Le breuvage est bon pour moi quand c'est elle qui le boit. J'aime la richesse et elle me déteste. Alors je la baisse MDMA. Je reviens dans ce business à deux vitesses. Façon BMA, fuck trophée NMA. Et j'allonge des liasses clés MMA véritablement. M à la table et se partage équitablement. Fuck les frontières amis, je vais partout comme la dèche. Toujours la classe, la fraîche, la pêche. Il ne fallait pas, le mal est là. Ne me parlez pas, il ne fallait pas. Faut mal à la tête, sans réveiller la bête. Faut mal à la tête. Sans réveiller la bête. Je fais du rap, pour moi c'est vital, hein. Ce qu'on dit sur toi c'est pas formidable. Si je fais la guerre c'est jusqu'à la mort comme Léonidas, hein. Tu crois qu'il dort le frérot il tasse. Je peux rester dans mon coin frangin, on me les casse. Casse-toi, tu vois pas, tu marches sur mes godasses. Elle veut rentrer dans mon cœur mais y'a pas le mot de passe, hein. C'est pas mal, je fais les suceurs en face, hein. Demande à Mousse, Ouste, demande à Dahon, les baisse tous. Demande à l'autre, on les couche, de foot, on les baisse tous. On aime la rue, la moto qui se lève, le bruit du vroom vroom. On aime se faire discret, déguster la vie en soum soum. Moi j'oublie tout quand je suis bourré. Je la regarde même pas, je pourrais la bourrer. À ce qui pour qu'on m'y plan stup, je suis entouré. À ce qui puis je fais des attroupements quand je suis entouré. Il ne fallait pas, le mal est là. Ne me parlez pas, il ne fallait pas. Faut mal à la tête, sans réveiller la bête. Faut mal à la tête, sans réveiller la bête. Faut souffrir ou pour plus tard sourire. Nique sa mère les gens, voudrait te voir mourir en avoir des fous. Je sais qui croit ou comment très vite, même les yeux bandés. Faut demander, remonte la ficelle, cesse de bander. J'ai le cœur peiné, c'est la cité des dieux, vais ce qu'ils ont fait à Béné. Enfile un GBB si tu veux empiler. C'est la loi du GB si tu veux rempiler. Gros casse bélier, dans le 13 tellement cramé, je peux même plus me baigner. C'est la promo de l'album mais je suis pas trop bien isolé, mieux vivre isolé. On regrette toujours trop tard pour se dire désolé. Des potes font cracher la guitare, des potes font cracher le mitard. T'as peur reprendre flow, instru, beat et tout ça. On restera inimitable, j'fume toujours la beuh couleur carte vitale. Quoi qu'il se passe, le braquage est lyrique. Alors on peut sentir mon GP Warri, Visi, Frise et Bilka. Mes cas sont soupés tout oasis tropical. En croix d'un gros cylindre et Audi. J'vois plus le bout du tunnel comme Dodi. J'suis Marseille, c'est mieux maudit. Ce soir la ville est mienne, Audi. Paraît-il, je leur manquais. Bas les couilles de leur banquet. À quoi bon tanker? Tôt ou tard, je vais banquer. Plus de morale comme les banquiers, banquer. Il ne fallait pas. Le mal est là, ne me parlez pas, il ne fallait pas. Faut mal à la tête, sans réveiller la bête. Faut mal à la tête, sans réveiller la bête.